Je te vois dans mes rêves d'antan. Nous étions si petits, mais si grands. Nos jeux n'étaient qu'amour d'enfant. Et je t'aime toujours autant. Et tout ce grand bonheur, je l'attends. Que mon cœur plein d'amour t'attend, espérant un nouveau printemps. En beauté, et mon rêve s'est réalisé, et dans tes bras tout doucement, nous étions des amants.